Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Monsieur Collard, bonjour. Mais bonjour Monsieur Maréchal, bonjour tout le monde. Tout va bien la petite famille? Bah écoutez, oui ça va. Et puis bah moi j'ai comme accessoire, eh bien voilà, un fouet acheté dans un supermarché suédois. Et maîtresse divine. Le leitmotiv du jour, c'est on va les battre. Voilà. Oui, avec oui forcément. Bien bon, vu. Allez, ceci étant dit, j'ai de bonnes nouvelles aujourd'hui. Ça faisait déjà un petit bout de temps que j'avais pas eu l'occasion de vous parler de température estivale. Et bien, aujourd'hui, ça va être le cas. Alors, le ciel est encore un petit peu encombré sur l'ouest du pays. On a même de la brume encore en Ardennes, mais la masse d'air se radoucit. Et avec de belles éclaircies au fil des heures, on attend jusqu'à 26 degrés dans le centre du pays, 27 en campagne, 22 à 24 du littoral à l'Ardenne. Attention ce soir, les coups de tonnerre, ce sera uniquement sur l'extrême ouest du pays. Demain, on s'attend encore à plus de chaleur, mais ça deviendra un temps lourd et orageux. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin. Le programme 21h ce soir, Nice, le moment de vérité pour les Diables Rouges. Et oui, la Belgique joue sa qualification pour les 8e de finale de l'Euro face à la Suède. Il faut faire match nul au moins. Le médian Moussa Dembélé ne craint pas le géant suédois Zlatan Ibrahimovic. On a de respect, mais pour tout le monde, pas seulement pour Zlatan, on a pour tout le monde. On a beaucoup de respect, mais on sait qu'on est habitué à ça, tu vois. Les enjeux du match avec David Bertrand dans un instant. C'est un coup dur pour les étudiants en psychomotricité. Selon la ministre de la Santé, Maggie De Bloch, la psychomotricité n'est pas un métier. Bref, leurs diplômes ne valent plus rien. Qui donnera le cours de citoyenneté à la prochaine rentrée? Les professeurs de morale espéraient avoir la priorité sur ceux de religion. Ce ne sera pas le cas. Ils comptent bien porter l'affaire en justice. Passe d'armes hier soir à la BBC entre pro et anti-Brexit. La campagne pour ou contre le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne sera restée violente jusqu'au bout. On terminera le journal en musique avec un examen de fin d'année assez insolite qui se jouait hier soir à Wavre. Examen de carillon qui se tenait dans le clocher d'une église. Et donc le compte à rebours a démarré pour ce troisième match décisif des Diables Rouges à l'Euro. Oui, la rencontre débute dans tout juste 13 heures. Il faudra au moins faire match nul face à la Suède ce soir pour atteindre les huitièmes de finale. On reviendra sur l'enjeu dans un instant. Le temps de se rendre dans une famille belgo-suédoise, la famille Houtfen, où l'on s'apprête à vivre, vous vous en doutez, une soirée toute particulière. Aujourd'hui, Pierre est belge, Lisa suédoise. Ils habitent à Oudergem avec leurs deux enfants. Et c'est une rencontre signée Ebi Brusaki. Dans la famille Houtfen, on écoute de la musique suédoise. On entonne aussi des comptines suédoises. Et on se parle parfois en suédois. Et à Noël, on fait la fête dans la tradition suédoise, Lisa Rosen, la maman. Nous préparons habituellement plein de petits plats avec beaucoup de poissons et on chante. Et c'est très chouette. Les identités sont assez marquées et ce soir, elles le seront davantage. Pierre, le papa est belge. C'est Go Belgium. Bon, après, c'est vrai qu'on a un peu de pression de la famille de voir la Suède qui fait un petit résultat quand même. Elle dit très bien qu'ils mettent un goal et la Belgique en mette plusieurs. Édouard a 7 ans et si son cœur balance, ce soir, il va supporter. La Belgique, il y en a beaucoup que j'aime bien. Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Eden Hazard. Et tu connais qui en Suède comme joueur? Ibrahimovic. Ibrahimovic, sur qui reposent tous les espoirs de Lisa, qui pronostique une victoire suédoise ce soir. Mon pronostic, c'est 2-1 pour la Suède. Et vous? Ouais, l'inverse en fait. 2-1 pour la Belgique. Voilà pour l'aspect musical de la rencontre. Les enjeux sportifs à présent avec vous, David Bertrand. Le nul, c'est donc le minimum syndical ce soir. Oui, Catherine, un point face à la Suède et nous sommes en huitième de finale. Ça, c'est une certitude. Mais Mark Wilmots ne veut pas spéculer ni jouer avec les nerfs des supporters. De son côté, la Suède doit absolument gagner si elle veut poursuivre l'aventure en huitième de finale. Elle devrait donc jouer vers l'avant. Une situation qui pourrait faire les affaires des Diables qui aiment jouer en contre. Moussa Dembélé est en tout cas confiant avant le match. On a cette confiance de dire que chaque match on veut gagner et on sait que ça va pas être un match facile, mais comme j'ai déjà dit, on a de la confiance et on croit en nous-mêmes et c'est un match qu'on doit gagner. Alors la Suède, on la résume un petit peu à Zlatan. C'est vraiment évidemment le grand danger, même s'il est très critiqué dans cet Euro. C'est quelqu'un que vous craignez un petit peu sur le terrain? Non, je crois. Chacun joue contre, dans une grande compétition, et chaque semaine on joue contre les meilleurs joueurs au monde, et Zlatan il fait partie de ça aussi, bien sûr. On a de respect, mais pour tout le monde, pas seulement pour Zlatan, on a pour tout le monde. Lui-même il peut pas gagner un match aussi, alors on a beaucoup de respect, mais on sait qu'on est habitué à ça, tu vois. Alors ça va rien changer. L'interview de Manuel Jousse, et au niveau de la composition de l'équipe, on s'attend à quelques ajustements vu l'incertitude qui pèse sur Dembélé justement et sur Carrasco, tous deux touchés à la cheville lors du match contre l'Irlande. Fellaini devrait réintégrer le 11 pour tenter de contenir le très remuant et imposant Zlatan Ibrahimovic. Et David, il faut dire que les résultats d'hier nous sont quelque part favorables. Oui, parce que la défaite de l'Espagne 1-2 face à la Croatie a ouvert le tableau des Diables. L'Espagne jouera face à l'Italie en 8e. Ce sera une revanche de la finale d'il y a 4 ans. Alors que les Diables, s'ils passent, joueront le vainqueur du groupe E, Portugal, Hongrie, Islande ou Autriche. Et nous connaîtrons leur adversaire potentiel avant le début de Belgique-Suède, puisque ces rencontres du groupe F ont lieu à 18h. Hongrie, Portugal et Islande, Autriche. Autre résultat hier, pour être tout à fait complet, victoire et qualification de l'Allemagne face à l'Irlande du Nord, 1-0. Les Irlandais passent aussi en 8e en tant que meilleur 3e. Qualification aussi de la Pologne qui a battu l'Ukraine 1-0. La Turquie, elle, a dominé la République tchèque 2-0, mais elle doit encore patienter pour savoir si elle figure parmi les meilleurs 3e. Merci pour toutes ces précisions. Et concernant le match du jour, vous serez une nouvelle fois nombreux à le regarder sur écran géant. Des écrans autour desquels les mesures de sécurité ont été renforcées vu le contexte et la menace terroriste. Rien de nouveau par rapport aux deux premiers matchs des Diables. Les recommandations des autorités n'ont pas évolué. On écoute Jean-Marie Brabant, le chef de la zone de police Montgomery, qui assure la sécurité autour de l'écran géant de la place Dumont à Woluwe-Saint-Pierre. Nous sommes restés attentifs, bien entendu, aux différents messages qui étaient diffusés par les autorités, ministre de l'Intérieur, centre de crise. Et comme il n'y a pas d'augmentation, d'aggravation du niveau de la menace, le dispositif que nous avons mis en place jusqu'à présent sera maintenu. C'est-à-dire que nous sommes en niveau 3. Nous sommes en niveau 3 avec un rassemblement de personnes qui constituent une des cibles possibles de la part des terroristes. Donc voilà, bien entendu, il y aura les dispositifs de fouille, les dispositifs de surveillance visibles et discrets qui seront mis en place pour toute la durée de l'événement. Donc s'il y a une recommandation à donner, c'est d'éviter de venir avec sac à dos, de transporter des bagages, tout ce qui peut dissimuler ou pourrait dissimuler quelque chose et qui va amener, bien entendu, les services de sécurité à s'intéresser à ces objets, à s'assurer qu'ils ne contiennent rien de suspect. Une interview de Pierre Vandenbulk. Salah Abdeslam aurait-il pu être arrêté 3 mois plus tôt? Cette question sera au cœur des débats de la commission d'enquête sur les attentats. Une séance prévue à huis clos ce matin. Il y sera question du policier de Malines qui avait divulgué l'adresse du suspect numéro 1 des attentats de Paris dans un rapport. Rapport qui ne sera jamais transmis à la cellule antiterrorisme de la police judiciaire fédérale. Le président du comité P, la police des polices, présentera aux députés les conclusions de son enquête. C'est un coup dur pour les étudiants en psychomotricité. Leur diplôme ne vaut plus rien. Oui, c'est une décision de la ministre de la Santé, Maggie Debloc. La psychomotricité n'est pas un métier. Pourtant, une formation existe depuis 4 ans. 200 personnes sont déjà sorties de l'école. 1 000 000 est en cours de formation. Ils ne peuvent plus pratiquer. Alors, Simon Bourgeois, comment en est-on arrivé là? Jusqu'il y a 4 ans, beaucoup de monde pouvait pratiquer la psychomotricité. Les kinés, les ergothérapeutes, les logopèdes, plein de gens. Mais le métier de psychomotricien en tant que n'existe pas. Alors en 2012, la Fédération Wallonie-Bruxelles lance une formation spécifique. Aujourd'hui, la ministre fédérale de la Santé fait marche arrière. La psychomotricité n'est plus un métier, n'est pas un métier à part entière, dit-elle. Leurs diplômes ne seront plus reconnus et tant pis pour ceux qui avaient déjà fini leurs études, comme Valérie par exemple. Depuis ma première année de psychomotricité, on me dit que cette profession va être reconnue. La direction nous disait, vous ne vous inquiétez pas, dès que vous arriverez au terme de votre 3e année d'études, ce sera reconnu. On attendait, c'était en suspens et maintenant c'est tombé. C'est vraiment un dégoût et une incompréhension totale et l'impression d'avoir été trompée. Et pourquoi, après des années de discussion, Maggie Debloc ne reconnaît pas les psychomotriciens? Mais parce que pour elle, pas besoin d'en faire un métier spécifique, pas besoin de formation spécifique. Les kinés, les ergothérapeutes, les logopèdes font ça très bien. incompréhensible pour Anne Temans de l'Union professionnelle des psychomotriciens, c'est nier toute spécificité et les approches propres à son métier. En tant que psychomotricien, nous nous revendiquons en tant que psychomotricien, parce que c'est vraiment un travail spécifique, c'est vraiment un autre regard, on a tous de nombreuses formations complémentaires. Même son de cloche du côté de la Fédération des étudiants francophones, ils ne comprennent pas qu'on ait laissé étudier tellement de gens pour rien ces quatre dernières années. On a appelé Maggie Debloch ce matin pour lui demander des explications. Elle n'a pas voulu nous dire pourquoi elle avait pris cette décision. Les précisions de Simon Bourgeois. Et puis autre mécontent dans l'actualité de ce matin, ce sont les profs de morale qui comptent saisir la justice au sujet du cours de citoyenneté. Oui, le fameux cours de rien, comme on l'a surnommé, il fera son apparition au mois de septembre dans le primaire officiel. Mais une question demeure, qui donnera ce cours? Les profs de morale souhaitaient avoir la priorité en raison de leur neutralité, mais il a été décidé que ce cours serait confié aux professeurs de morale et de religion sans priorité aucune. Le collectif des profs de morale a décidé de porter l'affaire en justice pour contester le décret. Ils estiment déjà être pénalisés par la réforme. Écoutez Christophe Baudard, le porte-parole de ce collectif. Quand on est inscrit au cours de religion, on y reste, on ne change pas deux fois comme ça sur un claquement de doigts. Tandis que les gens qui sont en morale, évidemment, les parents comprennent, puisque les enfants y sont depuis longtemps, les parents comprennent que le programme du cours de morale est déjà en soi un programme d'éducation à la citoyenneté et à la philosophie. Vous savez que dans le degré supérieur, c'est un cours de philosophie à proprement parler. Enfin, il y a très peu de différence avec ce qu'on peut faire en France ou à l'université, c'est de la vraie philosophie. Et dans le degré inférieur, c'est vraiment une préparation à la citoyenneté, à la philosophie. Le programme est clair, il suffit de le lire, donc les gens sont habitués. Et donc, évidemment, les gens vont se dire, ok, c'est facile, on va aller dans ce cours-là. Des propos recueillis par Michel Lagaze. Brexit or not Brexit, telle est donc la question. Oui, une question à laquelle les Britanniques devront répondre demain, à la veille du référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union européenne. C'est toujours le coude à coude dans les sondages. Et hier avait lieu l'ultime débat télévisé sur la BBC. Les deux camps se sont affrontés une dernière fois pour tenter de convaincre les indécis, Julien Geffredo. Et oui, maintenant l'enjeu c'est de convaincre les indécis. En fait, le scrutin s'annonce si serré que ce sont eux qui détiennent l'avenir du Royaume-Uni entre leurs mains. C'est à peu près 10% d'électeurs britanniques. Alors pour les convaincre, dans le camp du maintien comme dans le camp du Brexit, on continue sur la même stratégie qui a été celle tout au long de la campagne, jouer sur la peur, soit en parlant de l'économie, soit en parlant de l'immigration. Boris Johnson est l'ancien maire de Londres, conservateur et chef de file du Brexit. Ce qu'on devrait faire, c'est un système à points comme les Australiens. Comme cela, nous obtenons les personnes dont nous avons besoin pour le système de santé et laissons ce dont nous n'avons pas besoin. Et le seul moyen de faire ça est de reprendre le contrôle et de voter pour le Brexit jeudi. Et en face, Sadiq Khan, qui est le nouveau maire travailliste de Londres. Lui est fils d'immigrés pakistanais et on l'entend, il est assez lassé de ce genre d'argument. D'abord, l'Australie a le double de notre immigration pour une plus petite population, donc désolé d'en revenir au fait, Boris. Votre campagne n'a pas été le projet peur, ça a été le projet haine en ce qui concerne l'immigration. Voilà, le ton souvent agressif dans ce dernier débat était en fait lui aussi à l'image de cette campagne qui divise le pays. Et on suivra de près évidemment les résultats de ce référendum qui aura donc lieu demain en Grande-Bretagne. Le sud-ouest des États-Unis en proie à des records de chaleur. Les incendies se multiplient en Californie, dans le Colorado et en Arizona où des centaines de personnes ont dû évacuer leurs habitations. En tout, 550 km carrés de forêt et broussailles sont déjà partis en fumée. Hier, les températures sont montées jusqu'à 50 degrés dans la région, un record historique. Et on termine, Catherine, par cet examen de fin d'année insolite, en plein air et en public. C'était hier soir à Wavre. Oui, quatre élèves de l'Académie de musique ont passé leur examen de carillon. L'épreuve de première année se déroulait dans le clocher de l'église Saint-Jean-Baptiste. Au sol, un jury formé de deux musiciens et surtout des passants, plutôt séduits par cet examen de fin d'année, pas comme les autres. C'est un reportage signé Michel Servet et Jean-Claude Hénuit. Classique, musique de film et musique moderne pour les examens des quatre élèves carillonneurs de Wavre. Deux titres à interpréter en public, une première qui n'a pas déstabilisé Yon, le plus jeune des quatre élèves. Personne ne me connaît et personne ne sait que c'est moi qui joue. C'est pas stressant? Si, un peu quand même. Il n'y a pas eu de fausses notes? À certains moments, j'ai fait des erreurs, mais j'ai essayé de faire en sorte que ça passe inaperçu. Qu'est-ce qui vous a fait craquer tout au départ pour cet instrument? La singularité de sonorité de l'instrument, aussi le fait qui est un instrument patrimoine de la ville et qui a une richesse énorme culturelle et historique. Audrey Di, professeure à l'Académie de musique de Wavre et carillonneuse officielle de la ville depuis 2012. Je crois qu'ils ont très bien travaillé. Où pourrait-il s'améliorer ? C'est la première année, donc il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur le plan technique, sur le plan musical. C'est ça qui est chouette. Quant aux passants présents dans les alentours de l'église... Ah ben je trouve ça génial, j'ai pas pu m'empêcher de mettre quelque chose sur Facebook d'ailleurs. Il faut dire que bon, le carillon ici, c'est quand même un pilier du tourisme dans notre commune. Ah ben c'est excellent pour eux, je trouve ça c'est un très bon exercice. À raison d'une heure par semaine, les quatre élèves devraient suivre leur formation pendant 8 ans. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne envie de se mettre au carillon, non ? Ah, j'en ai toujours rêvé, figurez-vous. C'est, mes parents auraient aimé que je sois carillonneur. Mais qu'attendons-nous ? Mais vous avez raison. Mais qu'attendons-nous ? Jérôme, quittez cet humour qui ne sert à rien. Venez avec moi et faisons une confrérie de carillonneurs. Alors attention, je cherche des danseuses pour faire Alexandrie, Alexandra en carillon. Pourquoi on ne pourrait pas carillonner, mais bien nous sûr. Mais je pensais à Frédéric pour le danseuse. Vous savez danser ? Absolument. Ah ben, alors c'est vous. C'est vous et vous, vous voulez faire quoi, ça va ? Carillonner ? Aussi ? Oui. Un en duo ? Les Spice Girls du carillon. Bon sang, les années 2020. Tenez-vous bien, on arrive. 8h16, voici un nouveau 8-9. Prête à surfer l'immense vague et trébucher sur un château de sable ? Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20 euros. Europassistance.be, you live, we care. RTBF Mobile Info, 8h16. Philippe Van Steenbrugge s'en charge depuis la police de Liège. Et on revient d'abord sur cet animal écrasé à hauteur de Linsan. Effectivement, donc attention, si vous circulez en ce moment sur la E40 en direction de Bruxelles, on a un cadavre qui serait un cadavre de biche à hauteur de Linsan. C'est au kilomètre 48. La bande de gauche serait encombrée et la police se rend sur place, donc prudence. Et puis, écoutez, pour l'ensemble du réseau, on n'a pas vraiment à se plaindre pour les conditions de circulation pour ce matin. Comme d'habitude, un peu de monde dans le ralentissement en descente de Barchon vers Cherat, également de l'autre côté entre les Hossards et Cherat également sur la E40, sinon rien d'extraordinaire. Et puis vous ralentissez un petit peu aussi entre Tilf et Chesnay sur la E25, mais sinon j'avoue que c'est des conditions de circulation qui sont assez bonnes tant intramuros que sur nos autoroutes. Normal, hein, y a les examens qui se terminent aussi, on va tout doucement migrer vers le régime vacances et tant mieux. Waouh, super, je vais sur le toboggan et moi dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur de bonheur. Un problème sur la route ? Prévenez le 04 344 76 44. C'est beau donc c'est cher, les boilons sont feignants, les seniors sont dépassés. Ça te fait bondir, non ? Si je te dis que chez Doravé c'est cher, ça devrait te faire le même effet. Ne te fie pas aux clichés, va vérifier. La vérité, c'est que chez Doravé, ils ont le sens du conseil, du service et du suivi client. Et c'est vraiment pas plus cher. Doravé, vente, installation et dépannage en électroménager. 5 boulevard Franquignoul à Liège, à deux pas de la Médiacité. Parking relax. La maison Doravé fait partie du groupe Sélection et ses 168 magasins en Belgique. Optique Buisseret, vos yeux exigent le parfait. Chez Optique Buisseret, profitez du meilleur confort visuel. À l'achat d'une paire de verres Varilux, Optique Buisseret vous offre jusqu'à 500 euros sur la seconde paire. Conditions en magasin. Optique Buisseret, rue des Clarisses et Galerie Opéra à Liège et à Marche. Optique Buisseret. En juin, profitez des Summer Deals chez Toyota. Super remise sur toute la gamme, plus extra remise sur une sélection de véhicules de stock. Les Summer Deals avec double remise, c'est maintenant chez Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Des conseils appétissants pour faire du pain et des desserts, surfez sur magasinavv.be. AVV, tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Pour moi, le match ne commence pas avec... Non, t'as raison, il ne commence pas non plus avec... Tout à fait d'accord, il ne commence même pas avec... Quel merveilleux mouvement d'attaque en ce début. Non, pour moi, le match commence... Avec mon Coca-Cola bien frais. Pour moi aussi. Le beau vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez ce 26 juin l'étape de la Calamine comme si vous y aviez participé. Avec des milliers de beaux héros escortés par David Jean Motte et les supporters des Diables Rouges dans la communauté germanophone de notre royaume. Tchuss et tous ensemble, ce dimanche, après le JT de 13h sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Et vous, morceau de viande, voulez-vous prendre pour épouse canette de bière ici présente ? Vous pouvez embrasser la mariée. Allez, et bon appétit.

Et vous nous rappelez, Catherine, l'actualité de ce mercredi. Et le moment de vérité pour les Diables Rouges. Ils jouent ce soir leur ticket pour les huitièmes de finale de l'Euro face à la Suède. Un point suffit pour l'obtenir. Rencontre qui débute à 21h à Nice et à suivre évidemment sur tous les médias de la RTBF. Qui donnera le cours de citoyenneté à la prochaine rentrée scolaire? Les professeurs de morale espéraient avoir la priorité sur les profs de religion. Ce ne sera pas le cas et ils comptent bien porter l'affaire en justice. Un jour avant le référendum sur le Brexit, les pour et contre le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne sont au coude à coude dans les sondages. Et à l'image de la campagne, le dernier débat télévisé était violent hier soir entre l'ancien et l'actuel maire de Londres. Ah bah, il était temps pour tout vous dire. Enfin, on va revoir la tête du soleil et voir à quoi ça ressemble, même que les températures devraient grimper, atteindre 27 degrés aujourd'hui. Cet après-midi, attention quand même, le temps redevient lourd. Eh ben ouais, on peut pas avoir un full complet. Il est 8h30. Et on s'informe. Bonjour Françoise Dubois. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Souriez, vous serez bientôt filmés. 52 caméras de surveillance vont bientôt être installées dans les cours de 6 écoles communales de Chaudfontaine. Leur placement sera voté ce soir lors du conseil communal. De nombreuses autres localités ont déjà pris une décision similaire. Marc Hildesheim, qu'est-ce qui motive les autorités Calédifontaine à installer à leur tour de telles caméras? Eh bien, toute une série de vols, de dégradations et même l'incendie volontaire, rappelez-vous, comme celui qui a fortement endommagé l'école communale de Beaufailly il y a 3 ans de cela, des faits à chaque fois commis en dehors des heures de cours. Le dernier en date s'est déroulé à Meagne, un autre village de la commune. Laurent Burton, bourgmestre faisant fonction de Chaudfontaine. Récemment, l'école de Meagne a été entièrement visitée avec des tags, des excréments à gauche, à droite. Vraiment une intention de nuire, assez désagréable le lundi matin quand les directeurs et les professeurs arrivent. C'est vraiment désagréable. Je crois, au-delà du demi-traumatisme que les enfants peuvent subir, hein, il y a quand même malgré tout une agression. Et donc on s'est dit stop, là, maintenant ça suffit. L'objectif n'est pas ici de filmer les écoliers durant les heures de classe ou pendant la récré. Ah non, absolument pas. Les caméras se mettent en route au moment où les enfants quittent l'école et elles cessent de fonctionner lorsque les enfants reviennent le lendemain matin. C'est vraiment le but. Ou pendant les week-ends, évidemment. Oui, ces dégradations en série, c'est malheureusement un des effets pervers d'une décision de la commune qui a voulu que les cours d'école deviennent des plaines de jeu ouvertes à tous en dehors des heures de classe, ce qui est rarement le cas ailleurs. L'installation et l'utilisation de ces caméras sont tout de même clairement encadrées par la loi. Ah oui, hein, par la loi sur la protection de la vie privée tout d'abord, mais aussi par ce qu'on appelle justement la loi caméra, en vigueur depuis une dizaine d'années de cela. Elle précise notamment que si ces caméras sont installées pour lutter contre le racket ou le vandalisme et qu'elles fonctionnent pendant les heures d'école, eh bien, elles ne peuvent en aucun cas servir, par exemple, à prouver qu'un élève ou un enseignant arrive régulièrement en retard. En tout cas, à Chaudfontaine, les images de ces caméras ne pourront être visionnées que par la police locale et par le responsable sécurité de la commune. Merci Marc. Après 2 mois d'arrêt, le travail reprendra samedi à la prison de Lantin. Les agents pénitentiaires se sont prononcés aux 2/3 hier en faveur de cette reprise du travail. Lantin, elle était la dernière prison du pays à poursuivre le mouvement. Yves Walteri, délégué CGSP. L'Assemblée générale a décidé la reprise du travail à 41 voix pour la reprise et 21 contre. Il y a toujours des gens qui sont extrêmement motivés pour continuer le combat. Mais nous nous rendons compte qu'à l'approche des vacances, donc des vacances aussi du gouvernement, nous risquons de ne plus avoir d'interlocuteurs. Donc nous rentrons déçus, dégoûtés, fatigués. Je pense qu'il y a longtemps qu'il n'y a pas eu une corporation qui a tenu aussi longtemps en grève. À la reprise qui est prévue samedi, ça fera 60 jours de grève. Mais nous restons attentifs, voir si les promesses seront tenues. Nous avons obtenu quand même le congé préalable à la pension, en tout cas jusqu'à la fin de la législature. Nous avons obtenu quand même l'engagement d'un peu plus de 400 agents. Et donc, nous ne pouvons pas dire que nous avons tout perdu. Yves Walteri avec François Brébant. C'était le 23 juin 1946, la Belgique et l'Italie signaient les accords des bras contre du charbon, des accords qui ont scellé le début de l'immigration italienne chez nous. Demain, le Théâtre de Liège et la SBL Aquilon proposeront une soirée commémorative avec des musiciens, acteurs et écrivains d'origine italienne. Pour Nicolas Briale, italien d'origine et fondateur de l'Aquilon, cette commémoration, c'est aussi l'occasion de faire un parallèle avec la crise des migrants que nous connaissons aujourd'hui. Notre démarche n'est pas nécessairement artistique. C'est un questionnement sur la situation des migrants hier et aujourd'hui. Donc on veut faire ce parallèle avec ce qui se passe aux portes de notre Europe. Et donc c'est une manière aussi de rappeler aux Italiens et aux autres migrants qu'ils ont vécu, disons, d'une certaine manière la même chose. Et donc une raison de plus pour être ouvert et pour accueillir ces gens qui sont dans la détresse et qui sont dans la précarité. Et donc, pour se battre aussi, pour que les États, les hommes politiques agissent pour arrêter ces drames. Une interview de Bénédicte Allier. La soirée, c'est donc demain 20h au Théâtre de Liège et l'entrée est gratuite. Vous serez sans doute des milliers devant vos écrans ce soir à 21h. 21h, l'heure où les Diables monteront sur le terrain pour affronter la Suède de Zlatan à Nice et décrocher leur qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro. C'est du foot, bien sûr, ce foot des stars qui font rêver tous les jeunes footballeurs et du rêve à la réalité. Il y a souvent la désillusion. Conseiller le foot, 15h d'entrée semaine et les études, c'est le sport-études à l'IPES de Jemep, l'école secondaire de la province, a aussi créé sa maison des sportifs, un soutien à ses étudiants sportifs et des remédiations bien obligatoires. Geneviève Bortolin en est la responsable. C'est vraiment quelque chose quand même de dirigé, on insiste vraiment là-dessus parce qu'on pense justement, on se met un peu dans le mental en fait du jeune qui se dit mais moi je suis déjà dans un club de division 1 où je suis repris en compétition nationale, etc. Donc je n'ai plus besoin de me tracasser, je n'ai pas spécialement besoin de maintenir mon niveau scolaire à un certain niveau. Et nous, de toute façon, voilà, on essaye de travailler cette idée-là du jeune, chez le jeune, surtout au niveau des élèves qui ont 15, 16, 17 ans, pour qui tout est souvent acquis. Et alors on travaille là-dessus, sur ce mental-là, en disant que non, voilà, c'est vraiment super important et on dirige un peu plus le fait de venir en remédiation. Voilà, on impose. J'ai une interview de Justine Hermans. Bonne journée à tous. Et à 9h, c'est vous qui le dites, trois débats sur la table. D'abord, votre sensation. On passe en huitième de finale ou on passe pas? Et tant qu'à parler Diable Rouge, vous nous ferez votre prono pour ce soir. Ensuite, le ministre de l'économie veut une enquête sur Basic Fit. Est-ce que des prix si bas, c'est dangereux en matière de qualité, de service, danger, concurrence? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on doit se méfier de cela? Et puis, que doit-on penser d'un homme qui se présente à City 2 avec une ceinture explosive faite de sel et de biscuits? Et que doit-on penser de la police qui a tout bouclé? Est-ce qu'on en fait trop? Autrement dit, Zoé Boss, le standard est maintenant ouvert. Et nous attendons vos appels au 070-233-466 et lisons vos SMS au 3063-57 par message. Vous manquez d'inspiration, avez besoin d'un copion, n'hésitez pas à la page Facebook de C'est vous qui le dites. Et là, pour ça, vous y trouverez les trois sujets de cette matinée. Alors, comme ça, Philippe, vous voulez dire à tout le monde que vous avez réglé votre problème de biche? Effectivement, mais j'ose le dire, donc pour la E40 à hauteur de l'incense, c'est effectivement un problème qui est réglé, c'est tant mieux. Alors pour vos conditions de circulation, à Liège, vous avancez au ralenti sur la E25 entre l'île Mont-Saint et Droix, ralentissement également sur le pont Albert 1er vers le boulevard d'Avrois et au pied de la côte du Condreau via la rue du Val-Benoît, mais bon, c'est pas des soucis qui sont trop conséquents. Pour nos autoroutes, toujours pas mal de monde en descente de Barchon, c'est par contre plus fluide en descente des Haussards, plus fluide aussi pour la descente de Tilf. Ailleurs, ça coince du côté de Michrou via la rue de et du côté de Verviers au niveau de la rue du Palais. Sinon pour le reste, eh bien tout roule, donc bonne route à tous. Waouh, super, je vais sur le toboggan et moi dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. Dans un instant, Yves Barreau, invité du 8-9. Bonjour, c'est Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Christophe Benteke, Thibaut Courtois, Jason Denayer, Jean-François Gilet, Jordan Lukaku, Divo Origi, Thomas Malen, Axel Witsel, Samaran Filani. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable. Avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? On va s'entendre. Dès 11h, sur Vivacité. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo Dravel. Pour le coup d'envoi de la saison, nous avons choisi une région d'exception. Nous ferons le plein de vitamines à la calamine, près des frontières allemandes et hollandaises. Rendez-vous dès 10h pour le brunch, suivi d'une balade de 31 km vers Raven. À l'arrivée, showcase de Marina Kay, Axel Red et Frédéric François. À samedi les amis. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo Dravel avec Engie Electrabel. De 8 à 9, le 8-9. Ah, c'est un moment important pour les enfants, pas tellement les examens, non, le cinéma. Il y a quoi pour les enfants cette semaine, Frédéric ? Le monde de Dory, 13 ans qu'on attendait la suite du monde de Nemo. C'est la femme de Nemo, c'est la sœur de Nemo, c'est la belle-sœur de Nemo. C'est le petit poisson bleu amnésique. Qui parle baleine. Ouais. J'aime même parce que Jérôme me regarde avec ses parents. Jérôme me regarde avec un air. Mais vous, voyez toujours la consanguinité partout. Okay, le mal partout. Eh bien, monsieur, je sais tout. Faites-moi l'arbre généalogique de Nemo. Excusez-moi. C'est un poisson clown et il y en a d'autres. Et sa maman meurt quand il est tout petit. Ah oui. Ils ont joué Bambi, c'est triste. Ah, mais je ne savais pas qu'il y avait des biographes de Nemo autour de la table. Et petite sirène, qu'est-ce qu'elle est devenue, madame? Je donne des leçons. Elle s'en fout le poisson, vous savez. Elle a des enfants avec le prince Eric, évidemment. Ah, la petite sirène. Ariel, excusez-nous, oui. On a une super invitée. Est-ce que vous ne voulez pas un peu? Non, c'est important parce que moi, on m'a dit qu'elle s'était séparée et qu'elle picolait dans les cafés. Le mal partout, Benjamin. Mais je lis Paris Match, moi, si vous voulez que je vous dise. Il est 8h40, des retrouvailles. Souvenez-vous d'une petite jeune fille frêle qui était venue l'année dernière en février 2015. Elle est devenue femme, c'est ça. Oui, elle était venue avec des vieux vêtements déchirés, nous présenter à l'époque No Diggity, c'était ça. La petite Nemo est devenue une baleine. Bonjour, Tiff Barreau. Mais quel accueil! Mais quoi, ça veut dire qu'elle est devenue... Je veux sortir. Enfin, c'est parce que je suis habillée en bleu, c'est ça? Mais pas du tout. J'aurais dû m'habiller en rouge, hein, pour les diables. Bonjour, Tiff Barreau. Vous êtes venu avec un guitariste parce qu'il y a live dans un instant pour présenter le nouveau single. On va juste faire une petite ligne du temps. Donc, quand vous êtes venu avec No Diggity, on s'attend effectivement à ce qu'un album vienne. Et album n'est pas venu. En fait, on a sorti. On avait sorti le double P l'année passée. Ouais, qui était un mix de reprises et de créations originales. Voilà. Ouais. Et là, on est parti enregistrer à Londres les nouveaux titres. Et on espère finir l'album cet été. Et vous nous racontez à quoi ça ressemblait? Parce que vous dites, donc, pour le single qu'on va entendre dans une seconde, le nouveau, vous allez enregistrer dans un vieux studio londonien. Et quand vous arrivez, vous dites, c'est une blague. On dirait une vieille cave, un vieux brawl. Qu'est-ce qu'il avait, ce studio? Il ressemblait à quoi? En fait, c'était des vieux studios qui avaient réuni tout le vieux matos d'Abbey Road avec lequel on enregistrait dans les années 60. Ah, mythique quand même. 70, ouais. Et alors je jouais avec j'enregistrais avec un band qui s'appelle les Heliocentrics, qui ont l'air d'être tout droit sortis de... Sorti, je sais pas si tu connais le film qui s'appelle The Boat That Rocked, mais c'est vraiment ça, quoi. Les radios pirates des années 60 avec des chemises ananas. Enfin voilà, c'était des mix entre Elton John, John Lennon, Bob Marley, et c'était fabuleux. Avec des chemises à la Carlos, alors, un peu fleurs, ananas. Ouais, je te montrerai les photos, c'était... Ah oui, des trucs que personne n'ose mettre au travail chez nous, en fait. Alors, vous revenez maintenant, juste un mot sur la plus grande scène faite depuis l'an dernier, depuis qu'on s'est vu en février 2015, la plus grosse scène. Ah, c'est probablement Pierre Apsat ou Francofolie. Classe, et la plus petite, sachant que votre salon ne compte pas. Ma chambre devant mes petits-neveux. Ah, c'est pas mal. Et ils ont apprécié? Ils ont l'air d'apprécier. 2 et 4 ans, vous êtes sûr? C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y en a un qui jouait à la PlayStation non-stop tout le long du morceau, mais... Et l'autre qui dit quand est-ce qu'on mange. Mais, sinon... mais j'étais content, sinon. Non, ils font de la percu avec moi, c'est très mignon. Alors, lançons-nous. Vous nous amenez ce matin le nouveau single qui s'appelle The Whispers. C'est le petit cadeau 8-9 de ce matin, celui que vous nous faites. C'est en live à la guitare, rien que pour nous. Il est 8h43 et c'est tout nouveau. Bad-tempered voices rising, shouting in the dark. They say that I've lost listening to my heart. If I stay, I won't last. And I pray. Spark. Thousands of fingers pointing my failures. They show my shamed, hideous creature. Well, if I stay. mon chapeau, parce que faire ça à froid devant trois payots alors qu'on rigolait deux secondes avant, c'est juste magistral. Tiff Barreau, magistral. Ouais, on en sait tous les quatre gardiens. La chair de poule. Ouais, waouh. Il y a longtemps qu'on n'avait plus eu un live en plus dans le 8-9. Le cadeau est super. C'est marrant parce que je vous ai vu en interview après le BSF à Bruxelles, après sans doute une scène, vous avez complètement perdu votre voix. Parce que ça veut dire que vous la forcez un peu en concert ou pas ? Après le BSF, on avait eu un été hyper chargé. Ouais. Et c'est vrai que quand je me donne en concert, c'est jamais en demi-mesure. Et donc voilà, certainement que le muscle était fatigué. Ah, c'était marrant parce que le gars vous posait des questions, il entendait que vous étiez au bout du bout du bout du bout et il vous reposait question sur question sur question sur question. Cet été, on vous voit où ? Parce qu'il y a pas mal de festivals qui commencent à se mettre en place, il y a encore des places ça et là, d'après les organisateurs. Vous serez où cet été ? Ben, cet été, on sera un petit peu moins présent parce que c'est vrai qu'on a fait tous les gros festivals l'année passée et l'année d'avant. Donc on a décidé de prendre un petit peu des vacances et surtout de retourner en studio pour finir l'album. Déjà, on sera dimanche au Festivance. Et ouais, puis voilà, on a quelques dates à droite, à gauche. Mais c'est vrai que cette année, on va vraiment essayer de se concentrer sur la fin de l'album. Il y a toujours un mystère autour des artistes belges. On ne sait pas jusqu'où ils percent. Et c'est le bon exemple, c'est Overphonic. Parce que tout d'un coup, on voit que Overphonic fait un tube en Italie, puis fait un tube en Suède. Il y a des carrières comme ça qui nous échappent parce que nous, on est concentrés que Belgique. On vous connaît jusqu'où ? Est-ce que vous êtes allé jusqu'à la France ? Est-ce que vous êtes allé au-delà de la France ? On a eu des petits concerts un peu en dehors des frontières, mais c'est vrai qu'avec avec YouTube maintenant et les covers qu'on avait postés... Vous les laissez vos covers du début, donc vos reprises du début ? Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. C'est vrai que maintenant, en fait, on a des vues à travers le monde, quoi, en States, en Géorgie même. Donc il y a des pays comme ça où je suis assez étonnée de voir le nombre de gens qui me suivent. Et puis du coup c'est chouette parce que du coup on m'a appelé en Israël aussi. Enfin c'est assez en Russie, c'est drôle. Ils vous connaissent au Japon ? Je ne sais pas, mais je vais aller voir ça dans 5 jours, figure-toi. Vous allez au Japon, c'est vrai ? Oui. Ah, je vous dis totalement au hasard. En vacances ou pour jouer ? En vacances, je vais me reposer un peu. Et vous allez aller jusqu'au Fukushima ? Non, je vais faire, si vous voulez vraiment savoir, Tokyo, ouais. Kyoto, Hiroshima, Montfuji. Mon transat juste à côté de la centrale. Mais bien sûr, et après pourquoi on ne connaît plus Adamo ? C'est à cause de voilà. Vous voyez, c'est pourquoi on ne parle plus d'Adamo au Japon. C'est parce que vous n'écoutez jamais le 8-9, mais il y a deux semaines, il y a François Mazur qui joue dans la pièce Viva for Life, qui joue du Molière. Il était retourné à Fukushima il n'y a pas longtemps. Oui, au Japon. Les journalistes. C'est comme ça que vous vous en sortez. Donc, mais non, c'est ça la vérité. Oui. Je mets fin au programme. Tiff Barreau n'est pas journaliste, elle n'a rien à voir. Mais c'est pas pour ça qu'elle peut pas aller à Fukushima. Pourquoi vous n'allez pas à Fukushima? Écoute, je vais changer mes plans si ça te fait plaisir. Et vous voyez qu'elle a envie, alors. On vous force pas quand même. Tiff Barreau était notre invité ce matin avec le super cadeau et le nouveau single qui s'appelle The Whispers. On espère vous revoir une troisième fois pour l'album cette fois et à bientôt. Moi aussi, à très bientôt. Dans un instant, qui a dit, vous nous parlerez peut-être de vos vacances. Il y a une citation à identifier, un mot imposé pour le live de cette fin de semaine. Préparez vos vacances avec les Summer Deals de Dee. Produits solaires, mini-format, premiers soins. Les indispensables pour l'été sont chez Dee. Dee, faites-vous plaisir. Alors, voilà la maison. L'électricité, je crois qu'il y en a. Le toit, ils l'ont mis au-dessus. Le chauffage, ça, on croise les doigts. Vous la prenez ? Votre voiture non plus, vous ne la vendriez pas comme ça. En ce moment, le réseau Volkswagen, Skoda, Audi et Seat vous offre un check-up d'été gratuit pour revendre votre voiture au meilleur prix. Conditions et concessionnaires participants sur checkupete.be. Chez Decathlon et sur decathlon.be, il y a tout ce qu'il faut pour faire du sport en vacances. Idéal pour tous ceux qui sont du genre... Allez, prends ton nouveau masque, on va voir les poissons. Mais aussi pour tous les... Et les gars, il y a des belles vagues ! Sors la planche ! Pour eux et tous les autres sportifs, maintenant, le sport est plus facile. Décathlon, à fond la forme. Le Spar de Mathieu. Ce soir, c'est moi qui cuisine. Mes beaux-parents viennent manger, alors... Mais je ne suis pas stressé, hein. Parce que dans mon Spar, je trouve tout ce dont j'ai besoin. Du pain croustillant, des légumes frais, du poisson de qualité, et sans dépenser un argent fou. Spar Colruyt Group. Toujours avantageux. Montagne, mer ou forêt cette année ? Avec Jaspers, l'exclusif Adria, plus besoin de choisir. À vous la liberté. Le matin, la montagne. L'après-midi, en forêt. Et les pieds dans l'eau en fin de soirée. Camping-car, motorhome, caravane, accessoires, tout pour des vacances rêvées. Jaspers, 178 chaussée de Bruxelles, au pied de la tour E40 à Aouen. Ne soyez pas hors jeu. Préparez vos vacances avec Jaspers. 5 secondes, ce n'est pas assez ? Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Au suivant, nous sommes à Genappe cette fois. Bonjour Géraldine. Bonjour. Vous êtes bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est quoi votre travail ? Vous êtes agent de gardiennage, mais où ? Charleroi. Attendez, je vous entends pas super mal. Pas loin de Charleroi. Pas loin de Charleroi. Dans une entreprise ? Oui. En jeune gardiennage à l'aéroport de Gauthier. Ah, l'aéroport de Charleroi, voilà. Donc si la petite Sarah se présente, elle peut gratter la file et aller devant. Allez, oui, pourquoi pas ? Je la fouillerai moi-même. Ah, elle a dit pourquoi pas. Super. Donc je rappelle que Sarah, c'est la fille qui arrive avec un top rouge et des boucles d'oreilles noires, jaunes, rouges. Hein. C'est elle, elle est complètement... Très jolie, les boucles d'oreilles. Ouais. Oh, merci. Elles sont très classes. Géraldine, à nous deux, à nous cinq. Donc vous jouez avec l'aide de Frédéric et de Jérôme. Voici le Kikadi de ce matin. Auteur à identifier et cadeau à la clé. Alors le Kikadi. Kikadi à propos du CEB. Je n'ai pas à juger si les questions sont trop difficiles ou trop faciles. À propos du CEB, je n'ai pas à juger si les questions sont trop difficiles ou trop faciles. Qui a dit ça ? David Jean Motte, parce qu'il est devenu prof d'UNIF en ouvrant son université. Francis Delperret du CDA, car il donne cours à l'université, ou Marie-Martine Schins, parce qu'elle est la ministre des enseignants et des élèves. Sarah, vous pensez à qui ? Les trois sont crédibles. David Jean Motte aurait pu le dire, mais en même temps, il ne l'aurait pas dit, je pense. Ça nous fait avancer. Merci beaucoup. Okay. C'est moins évident aujourd'hui, ouais. Je pense à la ministre. Frédéric, vous pensez à qui, vous ? Je pense la ministre, elle dit qu'elle n'a pas jugé alors qu'elle a jugé, donc c'est cohérent, finalement. Ouais. Mais oui, Jérôme ? Et David Jean Motte, c'est vrai que c'est vrai. Hein, il n'a pas à le juger, et il n'y arriverait pas. Je pense quand même que c'est Marie-Martine. Je dis oui, mais c'est non, mais je pense oui que c'est non. Alors peut-être. Bon, Géraldine, vous pensez à qui, vous ? Là, c'est Marie-Martine. Ouais, c'est une bonne réponse. Oh. Et c'est l'occasion pour nous, si vous nous regardez sur la Une Télé, de remettre en gros plan cette photo de la ministre pour toi, Jérôme. Merci, je la prends. La photo. Et oui, ben c'est tout. C'est la compile officielle des Diables Rouges qu'on vous offre, Géraldine. Yeah. Super. Elle sera pas là pour ce soir, mais elle sera là pour la demi-finale ou pour la finale. Il y a tout dessus, les titres les plus dansants, les moins dansants, les plus beaux, les moins beaux, oui mais non. Quel est le mot que vous imposez à Jean-Luc pour le live ? Anticonstitutionnellement. Et pourquoi ? Le mot le plus long ? C'est le mot le plus long. Parce que c'est plus long. Ah ben, bien joué, et Vlan prend ça anticonstitutionnellement. Géraldine, on vous souhaite une bonne fin de semaine, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup, bonne journée. Bisous Géraldine. Ciao, ciao. Et donc on la croise, Géraldine, à l'aéroport de Charleroi. Quel sourire dans la voix. Ah ouais, elle est énergique. Ouais. À mon avis, ça met un peu d'ambiance dans la file. Au suivant. Ça, c'est gay. Dans un instant, le monde de Dory, qui est donc l'ex-belle-sœur de Nemo. Mais non. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Vivez l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. Italie, République d'Irlande, à suivre en direct ce mercredi soir sur la 2, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Vivacité à Liège, en toute complicité, sur 90.5 FM. En 1997, les JFO, ça donnait ça. Une glace, s'il vous plaît. 20 ans plus tard, ça donne ça. Mmh. Oh, c'est dingue, ça. Délicieux. Les journées fermes ouvertes, c'est 20 ans de plaisir en famille. Détente, découverte et dégustation. Plus d'infos sur jfo.be. Une initiative de l'APACW avec le soutien de Vivacité et Sud-Presse. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Bon, allez go, on prend celle-ci. Ah, très bon choix, monsieur. Quoi, t'es sûr ? Mais y a même pas l'airco, on va crever de chaud. Mais non, attends. On la prend, mais vous nous faites cadeau du ventilo, là, sur votre bureau, ok ? Chez Peugeot, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés, disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Et en plus, jusqu'au 30 juin, 4 ans de garantie sur tous les véhicules de stock. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. J'aime bien les bonnes choses dans nos campagnes, oui. Et comment ? D'ailleurs, dans nos campagnes, ils poussent plein de bonnes choses. Un petit. Ah oh oui, monsieur Marc, comme nos bonnes fraises belges. Mmh, ah, ça, ce sont les meilleures. Elles sont tellement fondantes et sucrées. Et même leur prix est bien belge. Mais comment ça ? Eh ben, il est tout petit, comme les petits belges. Ben, comme toi, quoi. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, le ravier de 500 grammes de nos super fraises belges est à 1,99€. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Le 8-9. Question d'intérêt général. La Cuigdière, comment nommeriez-vous le nouveau ministère chargé de lutter contre la fuite des infos confidentielles? Fabrice Mince propose Pamela Anderson comme ministre. Rien de tel que le silicone pour réparer les fuites. Loulou Godet, le baillon faible. Ah, joli, joli. La cuite du jour, qu'offririez-vous comme cadeau de pension à Zlatan Ibrahimovic? Bon, répondez sur la page Facebook du 8-9, puisqu'il part à la retraite après l'euro. Répondez sur la page Facebook du 8-9, on corrige demain. Et puis si vous êtes sur vivacité.be, la revue de presse de ce matin avec une bonne nouvelle pour les amateurs de moules, les élantes sont là. À quel prix? Vous verrez ça dans la revue de presse. C'est sur vivacité.be. Alors, Frédéric, les sorties cinéma de cette semaine à 8h55. Et donc, la suite prévisible, Le Monde de Dory, suite du Monde de Nemo. Ça raconte quoi cette fois? Ça raconte l'histoire de Dory, donc le petit poisson qui est bleu, qui est chirurgien amnésique, comme quoi rien n'est incompatible. Oui, c'est vrai. Et donc on remonte à ses origines, donc on essaye de se souvenir à sa place, qui sont ses parents, d'où il vient, comment il arrive à parler le langage des baleines. Ça, c'est le pitch de base de l'histoire. C'est évidemment superbement bien fait. C'est très drôle, c'est très profond. Il y a des messages pour les enfants, il y a des messages pour les grands. C'est du beau Disney. Message pour les enfants. Genre ne mangez pas de poisson pour la mémoire. Oui, mangez des fish sticks, voilà, par exemple. Parce qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de poisson, des mauvais angles où nous ne sommes pas, évidemment. Ben non, il y a une fois eu un poisson dedans. Ouais. Et le message pour les adultes. C'est d'ouvrir leurs enfants à la tolérance, à la différence. Ouais. C'est beau. C'est original. C'est super. Elle a la chante, Dory, c'est pour ça qu'elle a la chante. Pas super. Il oublie tout. Il oublie tout, c'est ça. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier qu'ici, on essaye d'abord de lui faire revenir ses souvenirs et puis on essaye de l'ouvrir au monde, de l'ouvrir à plein de choses. Franchement, c'est beau. C'est pour toute la famille. C'est plus drôle que Nemo ou c'est pas comparable ou c'est de niveau... C'est tout aussi drôle et c'est tout aussi réussi. C'est même un peu plus beau puisque Nemo est sorti il y a 13 ans quand même. Et qu'ici, Disney a quand même attendu 13 ans pour avoir la technologie qui lui a permis de faire beaucoup plus beau, et franchement, ça se voit. Vous l'avez vu combien de fois, Sarah, Le Monde de Nemo? Plein de fois, c'est génial, moi j'adore. Ah, vous pouvez me refaire des dialogues, oh Sarah. Ah non, les dialogues, on ne comprend pas jusque-là, mais j'adore quand elle est... Quand Nemo est pris dans l'aquarium du dentiste, avec la fille pleine de dents et pleine de... Ouais. Très méchant d'ailleurs, la petite fille du dentiste. Voilà. Alors c'est Le Monde de Dory. Très bien. Mais non, vous voulez que je parle baleine, ça je me souviens. Mais pas du tout, je vous écoutais, je buvais vos paroles. Oui, c'est grève. Ça, je me souviens. Oui, c'est dommage que la grève n'ait pas surprise aujourd'hui. Ça, c'est ça. Mais avec on pourrait faire une grève émotionnelle, par exemple. Ouais. Alors, Tous les chemins mènent à Rome, sortie de cette semaine avec Sarah Jessica Parker. C'est la femme de Sex and the City. C'est Carrie Bradshaw, exactement. Ouais. Et c'est la comédie romantique de la semaine. Il y en a une par semaine. Ça, c'est chronométré. C'est chronométronome. Voilà. C'est un film de vacances. Donc, une mère de famille, en l'occurrence, Sarah Jessica Parker, un peu à cran, un peu stressée dans la vie, part en Italie pour retrouver sa fille. Qui, elle, veut fuguer. Et évidemment, la maman ne part pas toute seule. Elle part avec son ancien amoureux qui ne va pas rester ancien très longtemps. C'est beau, ça sent les pâtes fraîches, huile d'olive, les beaux couchers de soleil sur les monuments de Rome. Enfin voilà, ça sent tout ça. Ça se sent, vous êtes embêté. Embêté par quoi? Mais par le film, ça vous a embêté? Non du tout. C'était beau? C'était beau, mais c'est une comédie romantique balisée. On sait exactement où on va, mais on a envie d'y aller. J'arrive pas à savoir si je l'aime bien, moi, comme actrice, Sarah Jessica Parker. Vous voyez qui c'est, Sarah? C'est Sex and the City. Ouais. C'est Carrie Bradshaw. Ouais. Formidable comme série. Mais oui, mais dans la série, elle est formidable, mais au cinéma, je sais pas vous, Frédéric, mais elle a jamais. J'ai l'impression qu'elle était mieux utilisée dans les séries que dans le cinéma. Ouais, je crois qu'elle est trop Carrie Bradshaw maintenant aussi. Difficile de se défaire de cette image. Aussi. Ah ouais, elle est typée de chez typée. Et puis un mot rapide sur tout de suite maintenant, satire coriace du monde de la finance. Oui, qui s'intéresse, et heureusement, parce que sinon ce serait fort compliqué, plus aux personnages excentriques, égocentriques de ce monde-là. Avec Isabelle Huppert et Lambert Wilson. Avec Isabelle Huppert en nymphomane frustrée qui le fait super bien, qui est une prestation de haut vol. Les actrices sont superbes, les acteurs sont très bons. L'histoire rapidos, c'est une fille qui débarque dans le monde de la finance, qui ne connaît pas ça, et qui se heurte à tous ces personnages excentriques, enfin qui n'attendaient pas ça. Donc ça se joue fort dans les dialogues, ça se joue fort dans les caractères, mais c'est extrêmement bien joué, c'est coriace, c'est acide, on en redemande. J'ai que 10 euros. Le Monde de Dory, Tous les chemins mènent à Rome, tout de suite maintenant. Précision, je suis un intellectuel et j'ai que 10 euros. Lequel des trois? Ah mais Dory quand même. Parce qu'on peut penser en regardant Dory, oui bien sûr. Oui, et parce qu'il y a des messages, vous avez entendu qu'il y avait des messages. Hein, oui. Notamment la guerre c'est mal. Oui, des messages en baleine. Notamment la guerre c'est mal. Dites-nous au revoir en baleine, allez. Bonne journée et elle le fait. Et bon match ce soir.